belle, ni vigira. Elika Doga sur la mise en onde. Bonsoir, bienvenue à cette édition de la soirée dont voici tout d'abord les principaux titres. Le transfert de l'enseignement des métiers au ministère de l'Éducation alors qu'il était au ministère de la Fonction publique perturbe les activités de son secteur. Vous entendrez le conseil ad intérim à la direction provinciale d'enseignement de l'UIGI, chargé de l'enseignement des métiers, qui donnait l'exemple du retard de salaire pour les enseignants. Et le gouvernement burundais compte réorganiser les services de contrôle technique automobile en vue de les moderniser. C'est du moins ce qui est ressorti du conseil des ministres tenu mercredi et jeudi de cette semaine. Vous aurez les précisions données par Prosper Nangwamie, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Et à Muyinga, on parle du tarissement de sources d'eau sur trois collines de la commune Gasogwe, dans une zone près de la station de captage d'eau de la ville de Muyinga. Les détails, ce sera tout à l'heure. Et dans l'actualité internationale, la flamme de souvenir vient d'être rallumée ce dimanche en mémoire du génocide contre les Tutsis pour 100 jours. C'est bel et bien à Kigali, au Rwanda. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir. Parlons sécurité avant de débuter cette édition. Pour débuter pendant cette édition, les deux corps en décomposition qui portaient des tenues militaires sont ceux des membres d'une bande criminelle selon la police. Les deux corps ont été retrouvés sur la colline Muyangé de la zone Munini de la commune et province Ebururi dans l'après-midi de ce vendredi. La police a fait savoir que les membres de cette bande de criminels se sont disputés après avoir dévalisé les antennes de la société de télécommunication Lumitel jusqu'à s'entretuer. La police a dit qu'elle est en train de rechercher d'autres membres de ce groupe. Et je vous le disais tout à l'heure, le projet d'ordonnance ministérielle portant fixation des modalités de mise en œuvre du projet de modernisation des services de contrôle technique automobile a été analysé lors du conseil des ministres qui s'est tenu au cours de cette semaine. Le porte-parole du gouvernement a indiqué dans le communiqué marquant l'issue de ce conseil que ce projet d'ordonnance vise la modernisation et la sécurisation de l'octroi de services et de contrôle automobile suivi. Le gouvernement du Burundi a entrepris d'importantes réformes de développer et renforcer les capacités des institutions publiques du secteur de transport. C'est dans ce cadre qu'un mémorandum d'entente a été signé en mars 2014 entre le ministère en charge des transports et la société Global Smart Technology Burundi pour la modernisation, la sécurisation et l'informatisation des services de contrôle technique automobile et l'octroi des autorisations de transport, suivi en avril 2015 de la signature d'une convention de partenariat public-privé en rapport avec ses services. Ce projet d'ordonnance vient concrétiser les engagements déjà pris par le gouvernement à travers les deux domaines si haut cités. C'était Prosper Nangwamie, il est secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais. Et les effectifs élevés d'abandon scolaire ainsi que le trafic d'êtres humains dont certains des indices prouvant le niveau élevé de pauvreté dans le pays, selon l'organisation Parsem, mais lorsque la population est pauvre, cela se répercute sur l'économie du pays, où celui-ci est obligé de faire toujours recours à la population pour financer ses projets. Lors d'un point de presse sur l'état de la pauvreté au Burundi, le directeur national de la Parsem, Faustin Ndikumana, en a appelé à la synergie des forces pour trouver solution à ce défi suivi. Après tout, on parle des chiffres. Mais il faut voir, le niveau des abandons scolaires est très élevé. Le trafic d'êtres humains qui a pignon sur rue aujourd'hui au Burundi. Le désespoir, les réfugiés économiques, les conditions de vie de certains réfugiés. La malnutrition ici, l'habitat dérisoire, l'hygiène, le choléra est toujours endémique au Burundi. Il y a une quasi-exclusion d'une grande partie de la population des principaux marchés. Il y a le marché du travail. Et il y a un risque évidemment de disparition complète de la classe moyenne, des citoyens libres, suite à l'aménagement des opportunités. Alors, dans cette situation, au niveau politique aussi, c'est l'instrumentalisation des jeunes qui en fait de compte les entraîner dans des bavures. L'instrumentalisation devient pignon sur rue dans un environnement où les gens sont pauvres. L'aménagement des opportunités aussi fait qu'il y a même certaines personnes, cadres, qui eux aussi s'imaginent que la vie est toujours centrée sur la signature d'un décret, être sur les listes électorales, ce qui complètement bien la vie de la politique au Burundi. Au niveau institutionnel, Quand les habitants sont pauvres normalement, l'État aussi devient pauvre. C'est pour cela alors que nos hôpitaux et écoles sont des fois sous-équipés. Le pays ne peut pas parvenir à nourrir les enfants dans les cantines, par exemple, scolaires, malgré un taux de maintien élevé. Il faut un appui, PAM, là où le PAM n'intervient pas. Le gouvernement ne peut pas oser. Les infrastructures, les routes, la construction des routes, les barrages hydroélectriques. Vous voyez que le financement aussi des activités gouvernementales, on fait recours aux citoyens parce que le Burundi n'est pas en état rentier. Donc, nous disons que la pauvreté au Burundi, c'est un défi auquel il faut s'attendre. On devrait cesser à être occupé par de petits soucis individuels, décider de rassembler nos forces pour s'attaquer à ce défi. Faustin Ndikumana, il est directeur national de la PARSEM, après une courte pause par l'éducation au rendez-vous. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je vous le disais en titre, le fait que le secteur de l'enseignement des métiers dépend aujourd'hui du ministère de l'Éducation alors qu'il était jadis au ministère de la fonction publique n'a pas facilité son travail. Les propos sont d'ingénieur Innocent Daïdziga, conseiller d'intérim chargé de l'enseignement des métiers à la direction provinciale de l'enseignement à Luyigi. Il donne l'exemple du retard de rémunération pour certains enseignants. Il demande que ce secteur ait une attention particulière. Suivez. Depuis leur engagement en 2018, ils n'ont pas perçu leur salaire ou bien les primes comme enseignants vacataires dans leur filière agri-élevage. Donc il s'agit d'un agronome et d'un vétérinaire. Dans notre province, nous avons à peu près 14 enseignants vacataires puisque nous avons au total 9 centres d'enseignement de métiers, dont 7 8 qui organise la filière agri-élevage. Nous recueillons tous les rapports auprès des centres d'enseignement des métiers et nous les acheminons à la direction provinciale de l'enseignement qui par après transmet ces derniers au ministère. Selon vous, où se trouverait la question? Je pense que ça se trouve au niveau de l'organisation. Avec la mutation ou bien le transfert du service chargé de l'enseignement des métiers du ministère de la fonction publique et du travail au ministère de l'éducation, de la formation technique et professionnelle, je pense que dans ce transfert, il y a là où il y a un problème lors du transfert des dossiers, puisque jusqu'à maintenant, on attend même l'ordonnance de mise en application du décret qui a transféré ce service de l'enseignement des métiers au ministère de l'éducation, de la formation technique et professionnelle. Qu'est-ce que vous demandez? Nous demandons qu'on fasse le tout possible pour que l'enseignement des métiers aille de l'avant, puisque nous avons beaucoup de problèmes lors de la mise en application ou bien lors de l'organisation des activités au niveau provincial, puisque on n'a pas même le plan d'activité jusqu'à maintenant, puisque on ne peut pas faire ce qui est à l'encontre du programme de l'État. Nous supplions à toutes et chacun qui ont ces activités afin qu'ils débloquent les primes ou salaires pour que nous continuions à vaquer les activités comme d'habitude. Ingénieur Innocent Daïdziga, conseiller d'intérim chargé de l'enseignement des métiers à la direction provinciale de l'enseignement à Luyigi en ce qui concerne le retard des salaires. Pour les enseignants du secteur des métiers dans la filière de l'agri-élevage et le ministère de l'Éducation, de l'enseignement des métiers, la formation technique et professionnelle, à travers son porte-parole, Juma Edouard a promis de réagir dans nos éditions de ce lundi. Rendons-nous en province Muyinga où des sources d'eau sur trois collines de la commune Gasorgwe ont tari dans cette zone proche de la station de captage d'eau vers la ville de Muyinga. Les habitants et les administratifs redoutent la désertification de cette zone et demandent la réduction de la quantité d'eau captée par la station de Muyinga. Nous appelons Dieudonné Nzeyimana depuis Gasuru. À la source d'eau, colline Kigama, commune Gasogwe, aucune goutte d'eau ne tombe plus. Les résidents retracent l'histoire de la source. Ils signalent que depuis les opérations de forage à la recherche d'eau de captage vers le réservoir alimentant la ville de Muyinga, l'eau a diminué progressivement jusqu'au tarissement complet de la source mi-mars. À la colline voisine de Gasuru, des habitants craignent la désertification de la zone. On redoute ne pas pouvoir semer la pomme de terre. Le niveau d'eau a sensiblement diminué dans les marais. Saleh Minani, chef de Kuline Gasuru, donne ici la raison. Il laisse croire que c'est la conséquence directe du système de captage de l'eau vers un grand réservoir installé au pied de la colline. Depuis qu'ils ont commencé à tester les sources d'eau des collines proches en Tari. Claude Bartwanayo, administrateur de la commune Gasogwe, demande à la régie des eaux qui a réceptionné l'infrastructure d'installer des robinets sur les collines concernées. Pour l'instant, les habitants dont les sources ont tari sont présentes à la station de captage de Gasuru. Ici, de l'eau est déversée par un sertuyo devenu la source commune à tous. Les agents de la régie des eaux à Gasuru n'ont pas le droit de s'exprimer à cet effet. Question à soumettre aux échelons supérieurs. De la vallée de Gasuru, Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeyimana. Parlons sport à présent, qui joue un rôle clé dans le développement et la consolidation de la paix. C'est ce qui a été dit son dimanche par le président de la Fédération burundaise de karaté lors de la célébration de la Journée internationale du sport, Christophe Nkurunziza. Précise que le domaine sportif au Burundi fait face au manque de moyens financiers pour participer dans des compétitions internationales. Suivez-le, il est au micro de notre confrère Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Aujourd'hui, nous avons célébré la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. C'est une journée où les Nations Unies se sont réunies en 2013 pour commencer à célébrer une journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Mais on devait faire ça hier, mais comme vous le savez, au niveau du pays, il y a une autre activité importante où nous concernons la commémoration de la mort de notre président Nagami. C'est pourquoi nous avons reporté par rapport à ces dates. Nous célébrons cette journée aujourd'hui, le 7 avril, pour rejoindre le monde sportif qui célèbre cette journée importante. Comme vous le savez, le sport dans notre pays a beaucoup contribué pour ramener la paix et aussi pour le développement, comme vous le savez. Ici, dans notre pays, nous avons besoin d'insister sur la cohésion avec le sport, que la jeunesse puisse voir l'avenir de notre pays de la même façon et une orientation avec une conjugaison des efforts de tout le monde. De notre côté, au niveau sportif, surtout en karaté, nous avons des activités que nous appelons tous au dojo, où on s'entraîne ensemble pour renforcer l'amitié et la paix dans nos karatékas. Quel état d'avancement du sport du karaté ici dans notre pays? Le karaté, comme vous le savez, nous avons une place importante par rapport aux années précédentes. Depuis l'année 2017, nous avons une équipe qui a été classée 3e au niveau continental sur 48 pays. Et au niveau mondial, nous avons eu des athlètes qui ont été classés 11e au niveau mondial sur 58 nations. Et au niveau des Jeux africains de la jeunesse qui sont déroulés à Alger, nous avons une médaille d'argent, c'est la 2e place, et médaille de bronze. C'était un projet que nous croyons réaliser dans 8 ans, mais ça a été réalisé en moins de 3 ans. Donc nous avons une performance très très remarquable par rapport à nos attentes. Et je tiens à remercier tous les entraîneurs, tous les présidents des clubs et tous les athlètes qui sont dans l'équipe nationale de continuer de l'avant pour qu'on puisse aller plus loin. C'est ça mon souhait et aussi des encouragements à tout ce monde qui travaille jour et nuit pour que notre pays puisse rester sur la scène internationale. Quels sont les défis auxquels vous rencontrez aussi de votre fédération burundaise de karaté? C'est d'abord la non-participation régulière par rapport à nos talents, à nos athlètes qui se préparent pour participer à différentes compétitions. Nous absentons à pas mal de compétitions, mais par rapport à la participation et aussi à nos partenaires, le ministère, le comité national olympique et aussi les différents clubs de la FEDE, nous avons l'espoir que tout ça va s'améliorer pour qu'on puisse continuer à porter loin les couleurs du pays. Dans l'actualité internationale, au Rwanda, la flamme de souvenir a été rallumée ce dimanche en mémoire de génocide contre les Tutsis pour 100 jours. 25 ans après, le Rwanda se souvient de la page la plus sombre de son histoire, le génocide des perpétrés envers les Tutsis. Les commémorations des massacres qui coûtèrent la vie à plus de 800 000 personnes ont commencé ce vendredi matin à Kigali avec un moment toujours très symbolique quand le président Kagame rallume la flamme du souvenir selon la RFI. Le président rwandais Paul Kagame, son épouse en compagnie de Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, ont rallumé en milieu de matinée la flamme du souvenir un événement qui marquera le début des 100 jours de commémoration, 100 jours comme la durée des massacres en 1994. Les cérémonies de commémoration se poursuivent avec une cérémonie au centre des congrès de Kigali. Le Rwanda est de retour dans la lumière sans jamais oublier le passé. Ce sont les mots de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Avant lui, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, avait, lui, salué la résilience du peuple rwandais et a félicité Paul Kagame pour son leadership, sa détermination et son courage. Moussa Faki Mahamat, pour qui ce génocide aura été l'une des pages les plus sombres de notre époque. Selon toujours la RFI, le premier ministre belge Charles Michel a quant à lui une nouvelle fois présenté les excuses de son pays, estimant que ce crime était l'échec de la communauté internationale. Et bien voilà, c'est par ici que nous mettons point final à cette édition de la soirée de ce dimanche 7 avril 2019. Je dis merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Eli Kadogo pour la mise en onde. Eli Nibel Nibigira j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer une excellente soirée dominicale. Au revoir.